Witariho. Bonjour à tous et bienvenue à ce journal dont voici d'abord les principales articulations. Les véhicules dont le transport est rémunéré sont les premiers concernés par la mesure de la mairie de Bujumbura. Les explications du maire de la ville, Freddy Mbonimpa, dans quelques instants. Le syndicat CONAPES demande au gouvernement burundais de penser à l'amélioration des salaires des enseignants plutôt que d'envisager le recrutement et le paiement de ces fonctionnaires de l'État au niveau des communes. Dans ce journal, vous entendrez le président de ce syndicat, Emmanuel Machandari. Éducation encore, nous nous rendrons à Bugabila en province de Kirundo, où près de 400 élèves ont déjà abandonné l'école depuis la rentrée scolaire à cause de la famine. Alain Désiré Bukeneza nous en dira plus dans son reportage. Dans ce journal également, plus de 70 tombes du cimetière de Manda, c'est dans la commune Guianga, en province de Ubanza, ont été détruites par des inconnus en l'espace de 2 mois. Et puis, nous sommes le 2 novembre, une journée mondiale consacrée à la lutte contre l'impunité des crimes commis contre les journalistes au Burundi. Le journaliste Jean Bigirimana resté sans trace depuis le 22 juillet. Encore une fois, bonjour et bienvenue à cette édition. Isanganiro, la radio de l'avenir. Ce 2 novembre, le monde célèbre la journée internationale de lutte contre l'impunité contre les crimes commis contre les journalistes, une journée célébrée alors que plus de 3 mois viennent de s'écouler sans nouvelles du journaliste Jean Bigirimana du groupe de presse Iwachu. Il est porté disparu depuis le 22 juillet 2016 à Bugarama, en province de Muramvya. Cette journée est également célébrée 3 ans après l'assassinat de 2 journalistes français, Claude Verlon et Ghislaine Dupont, dans le nord du Mali, alors qu'ils couvraient la tenue des élections. Un assassinat revendiqué par Al-Qaïda au Maghreb islamique. Les premiers concernés par la nouvelle mesure de paiement des parkings à mairie de Bujumbura sont ceux qui ont des véhicules dont le transport est rémunéré. L'explication est du maire de la ville, Freddy Mbonimpa. Les privés qui vont stationner en plein centre-ville vont commencer à payer après l'aménagement de ces parkings. Freddy Mbonimpa fait savoir que cette mesure va permettre à la mairie de renflouer ses caisses, mais aussi garantir la sécurité des véhicules. Freddy Mbonimpa au micro de Francine Diokoubgaï. Le transport rémunéré, les bus, les bennes, les remorques doivent impérativement payer à partir du 1er novembre et cela, ça ne cause pas de problème. Et pour le transport non rémunéré, c'est-à-dire les privés qui doivent stationner dans le centre-ville, cette mesure ne va pas commencer parce que ça nous demande une organisation efficace. On doit d'abord faire le traçage, on doit réglementer, on doit tenir en considération aussi des normes de sécurité par rapport à ces véhicules. On pourra dire à la population que la mesure sur le transport non rémunéré va démarrer tel mois, tel jour. Pour le moment, c'est sur le transport rémunéré qui est concerné. Mais on ne voit pas des changements en plein centre-ville. Est-ce qu'on ne dira pas que la mesure a été prise précipitamment? Au niveau de la ville, vous constatez qu'on n'a pas encore eu des centres de stationnement, des parkings, mais nous pensons qu'au fur et à mesure dans la planification de la ville, on va en tenir en considération. Mais en attendant, on va faire le traçage des parkings déjà existants et le long des routes. Et ce sont ces parkings qui seront concernés. Et quel avantage en tireront les propriétaires des véhicules? Si vous regardez dans les heures de pointe, il y a des gens qui volaient en plein jour. Tout le monde assistait impuissamment. Ça ne va plus se reproduire. On fera tout pour que les gens qui gardent les parkings s'impliquent sérieusement pour empêcher ces vols qui se commettent en plein jour. La mairie ou celui qui va exploiter sera responsable et tout objet disparu sera remplacé par ces services qui seront chargés du paiement du parking. Est-ce que les gens ne vont pas voir beaucoup plus dans cette mesure une façon de collecter l'argent et non de sécuriser la mairie? Chaque mesure nouvelle, chaque innovation, il y a toujours des questionnements et les gens comprennent à la fin que c'était nécessaire. Les gens voient le volet argent, mais je crois que ce qui nous importe, c'est l'image de la ville, la sécurisation des biens et des services, des personnes. L'argent n'a pas la même valeur que le bien protégé. Donc, nous pensons qu'ils vont le constater au fur et à mesure. En d'autres termes, vous garantissez la sécurité des véhicules et à leurs propriétaires. Tout à fait. Nous espérons que nous serons à la hauteur de protéger les biens, les véhicules de ces personnes. Sinon, il n'y aura pas raison de les faire payer. à l'Association des transports du Burundi à Trabou en sigle. L'on indique qu'il devrait être consulté avant de prendre une telle mesure. Suivez Charles Nilameba, c'est le secrétaire général de la Trabou. Alors, nous avons accueilli cette mesure par amertume parce que, et comme vous le voyez, c'est une mesure qui vient et resserre ce que les transporteurs devraient à l'État. Et actuellement, le prix de stationnement et de circulation est fixé à 30 000 francs pour les bus coastés. Il serait très difficile pour les transporteurs de payer cette somme. Et c'est pour cela qu'on demande à la mairie de Bujumbura de nous appeler pour qu'on puisse s'asseoir et discuter et donner notre position et pour que cette mesure soit prise et en commun accord avec la mairie de Bujumbura. Est-ce qu'il y aura des impacts sur cette mesure? Naturellement, des impacts ne peuvent pas manquer parce que, comme je viens de le dire, les transporteurs sont déjà en faillite. Vous le constatez même à travers nos véhicules, ils sont vraiment dans un état lamentable. Et alors, des impacts, parce que c'est de l'argent, c'est un effort de plus, parce que les transporteurs payaient déjà les taxes, et maintenant, ils vont encore une fois payer le droit de circulation à un prix que vous avez vu vous-même. Et franchement, ce serait un effort de plus. Et à propos de cela, qu'est-ce que vous demandez aux autorités de la mairie de Bujumbura? On leur demande de s'asseoir et d'expliquer la mesure auprès des concernés et d'accueillir aussi nos points de vue et pour que cette mesure soit franchement une mesure et louable pour tout le monde. En page éducation, les parents d'élèves du lycée municipal de Mutanga Sud se lamentent contre la décision qui avait été prise par la direction de faire payer plus de 5 000 francs bou à chaque élève pour l'achat des bancs pupitres. Domitien Bamoroubousa, préfet des études à cette école, dit que cette demande a été faite pour combler le manque de bancs pupitres que connaît cet établissement. Les détails avec Ali Dandaïkeza. Ce désaccord entre les parents d'élèves et la direction du lycée municipal de Mutanga Sud est né suite au montant de 5 000 francs qui est demandé à chaque élève pour la confection des bancs. Ces parents, qui n'ont pas voulu s'exprimer sur nos micros, disent qu'ils ne comprennent pas le paiement de cet argent parce que le ministre de l'Éducation avait dit que toutes les écoles allaient être approvisionnées en bancs. Domitien Bamoroubousa, préfet d'études à cette école, dit que cet établissement connaît un manque criant de bancs et qu'ils avaient déjà adressé des correspondance au ministère de tutelle, mais qu'ils n'ont pas encore eu de réponse. Nous avons eu un problème d'un nombre exorbitant d'élèves. On avait l'année passée autour de 400 élèves. Maintenant, on chiffre plus de 600 élèves dans notre établissement. Or, les bancs pupitres n'ont pas changé de nombre. Alors, c'est pour cela qu'on a voulu demander aux parents de contribuer pour que les élèves puissent s'asseoir convenablement. Là, nous avons fait appel à la paroisse ici. Nous avons prêté des bancs qu'on utilise dans la messe, ce qui était beaucoup plus difficile pour un élève de prendre notre, de très bien étudier. La demande a été déjà faite. Nous avons déjà adressé des lettres au niveau du ministre même, mais on n'a pas eu d'écho pouvoir nous dire qu'il y aura des bancs pupitres qui proviendront du ministère de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. La réunion de ce mardi, qui a vu la participation des parents d'élèves et la direction, ils se sont convenus de mettre en place une commission qui analysera si le montant demandé équivaut aux besoins de cet établissement. Merci Alida. Embaucher et payer les enseignants par les communes n'est pas un remède pour mettre fin au manque d'enseignants qui s'observe en ces jours. Cela a été dit par Emmanuel Machandari, président du syndicat Conapes, après l'annonce faite par le président du Sénat burundais, à Gitega. Selon le syndicaliste, les communes n'ont pas de moyens pour pouvoir embaucher et payer les enseignants. Il propose plutôt au gouvernement burundais d'améliorer les salaires des enseignants. Suivez plutôt Emmanuel Machandari au micro d'Yves Nguziman. Les communes aujourd'hui comptent un personnel très très limité, à peine 5 ou 6 personnes en dehors des élites collinaires, et ces communes ne sont pas en mesure aujourd'hui de payer les salaires de ce personnel. Il y en a même qui passent plus de 5 mois sans percevoir leur salaire. Je me demande alors, au vu des écoles qui sont éparpillées à travers tout le pays, nous risquons d'avoir une commune qui peut avoir plus de 1000 ou 2000 enseignants. Est-ce que c'est aujourd'hui que cette commune va avoir les moyens pour pouvoir payer tout ce monde? Je me dis que ça a été un souhait, oui. Troisièmement, normalement, le Sénat et l'Assemblée nationale ont comme mission du contrôle de l'action gouvernementale. Et aujourd'hui, nous entendons le président du Sénat annoncer qu'il va recruter les enseignants au niveau des communes ou les payer. Je me suis dit, est-ce que le gouvernement a été consulté ou bien c'est un avis d'une institution, mais qui serait très difficile à mettre en application. Plutôt, nous attendions à ce qu'il y ait la réaction du gouvernement pour que quand même on puisse orienter les choses. D'après vous, qu'est-ce qui doit être fait pour remédier à ce problème de manque d'enseignants? Le problème de manque d'enseignants est lié à pas mal de raisons. La première raison, c'est lié d'abord à l'implantation des écoles. Deuxièmement, c'est lié même au niveau du pouvoir d'achat des enseignants. Vous verrez que le plus souvent, les enseignants cherchent à aller travailler dans les centres urbains, parce que dans les centres urbains, là, on a de meilleures conditions de vie, mais aussi il y a des opportunités pour que l'on puisse quand même avoir quelque chose pour épauler le petit salaire. Troisièmement, et il faudrait améliorer le salaire des fonctionnaires en général et des enseignants en particulier pour qu'ils puissent être intéressés. Éducation encore, pour vous dire que la bourse que l'État octroyait aux étudiants de l'Université du Burundi va bientôt être remplacée par un prêt bourse, une autre nouvelle mesure dans le domaine de l'enseignement universitaire. C'est entre autres la révision du système d'octroi des services sociaux aux étudiants tel que contenu dans le communiqué du Conseil des ministres du 26 octobre dernier. Les détails sur ce changement avec Joseph Sabiabandi qui est avec moi au studio. Ah oui, Léon, c'est comme on le trouve dans le dit communiqué. La bourse que l'État octroyait aux étudiants va bientôt être remplacée par un prêt bourse, à l'exception des lauréats du secondaire qui se seront distingués, qui vont bien entendu bénéficier d'une bourse d'excellence gratuite. Pour les bourses d'études à l'étranger, les boursiers qui ne rentraient pas au pays pour y prester pendant au moins 2 ans après leurs études devront rembourser la totalité de la bourse perçue. Le gouvernement explique que c'est pour stimuler les étudiants à avancer et diminuer les mouvements de grève. Une autre nouvelle mesure dans le domaine de l'enseignement universitaire, c'est la révision du système d'octroi des services sociaux aux étudiants. La régie des œuvres universitaires au sein des organes de l'Université du Burundi doit être redéfinie. Tout cela, peut-on lire dans le communiqué du Conseil des ministres du 26 octobre, c'est pour promouvoir une gestion saine des ressources humaines et des budgets alloués à l'université. Un autre changement à intervenir dans l'enseignement universitaire, c'est le désengagement de l'État dans le domaine d'assurance accident des étudiants. Il estime que, c'est bien entendu le gouvernement, il estime que cette assurance ne peut pas être à la charge de l'État, alors que à l'école secondaire, ce sont les parents qui s'en chargent. Cette décision, Joseph, devrait être expliquée bien avant aux concernés pour savoir sa valeur ajoutée. Le constat est de Faustin Dikoumana, directeur de la PARSEM, Parole et Action pour le réveil des consciences et l'évolution des mentalités, qui explique que les modalités de remboursement de ces prêts-bourses posent toujours problème. Il ajoute qu'une telle décision est une conséquence de difficultés budgétaires que connaît le pays. Suivez Faustin Dikoumana au micro de Placide Niyomungere. Des mesures qui ont été longtemps discutées, appliquées ici, non appliquées ailleurs. C'est un débat qui est dans longtemps. En 1986, avec l'introduction du programme d'ajustement structurel, je me souviens que le gouvernement Bagaza avait introduit le système de prébourse. C'est au lendemain, avec la venue du major Pierre Buyoya, que ça a arrêté. Ça rentrait dans le cadre de la rationalisation des choix budgétaires, la limite des dépenses publiques pour rééquilibrer le budget dans le contexte de difficultés des finances publiques. Mais il y a d'autres questions subsidiaires qui s'invitent. Si un enfant termine ses études, comment va-t-il rembourser? Quel délai de grâce pour l'attendre d'avoir l'autre? Est-ce qu'on va attendre pour qu'il ait un emploi décent lui permettant de vivre pour rembourser? Bien, ça sera un crédit avec intérêt. Autant de questions encore qui sont sans répondre. Oui, le gouvernement a gardé l'esprit de bourse pour des étudiants brillants. Il ne faut pas que tout le monde soit pris par cette mesure. Et puis, voir dans quelle mesure, si cette mesure était appliquée, montre une valeur ajoutée visible par rapport à la situation antérieure. Trouvez-vous que ça serait facile à ces étudiants ou l'oreille de rembourser ses prêts boursiers? L'essentiel, c'est aussi de savoir dans quelle mesure est-ce qu'on peut rembourser, quel emploi qui vous permet de pouvoir rembourser, avec quel taux d'intérêt, quelle quantité c'est cible. Donc, c'est autant de questions qui doivent être éclaircies par rapport à la mise en application de cette mesure. Parce que je dis que ça rentre justement dans cette situation de difficulté budgétaire, sans appui budgétaire, sans le gel de financement, etc. Le pays, et c'est tant bien que mal justement de créer une dynamique d'autres prises en charge. Mais je dois dire que le problème au Burundi, c'est que la prise d'une mesure dans un contexte de débat démocratique, il faut que chaque mesure ait le temps d'être avalée par les gens qui sont concernés à partir des explications sincères pour montrer justement la valeur ajoutée par rapport à la situation antérieure. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Page sécurité à présent. Un certain Patrick Bigirimana de la colline Gakaranga, en commune Mugamba de la province Bururi, est dans les mains de la police de Mugamba depuis la soirée de ce mardi. Il a été arrêté après avoir montré sa cache d'armes constituée d'un fusil de type Kalachnikov, un chargeur contenant 6 cartouches et une grenade de fabrication chinoise qu'il utilisait pour perturber la sécurité dans Mugamba, selon du moins la police. Cette dernière indique que le dossier de cette personne arrêtée sur renseignement des voisins est déjà prêt pour être transmis au parquet de Bururi. Il y avait à peine une semaine, une autre personne de cette même colline de Gakaranga avait écopé d'une peine de 15 ans de prison fermée pour détention illégale d'armes. Plus de 70 tombes du cimetière d'Omhanda en commune Gihanga de la province de Ubanza ont été détruites dans un délai de 2 mois par des malfaiteurs qui volent les tôles. Les sources sur place à Omhanda pointent du doigt certains des fossoyeurs du même cimetière et deux suspects qui avaient été arrêtés par la police ont été relâchés ce mardi. Spes Caritas Cabagnan. Ile-de-France, un fossoyeur au cimetière de Manda et un certain Dunia avaient été arrêtés par la police jeudi de la semaine passée. Ils ont été relâchés ce mardi. Les sources policières n'ont pas voulu révéler les mobiles de cette libération, mais elles ont affirmé que les enquêtes continuent. Ile-de-France avait été interpellé par les voisins de Dunia pour aller voir un tas de tôles et de tubes qui avaient été volés au cimetière et qui étaient cachés au domicile de Dunia à Buringa, c'est tout près du cimetière de Manda. Les deux ont alors commencé à s'accuser mutuellement. Les mêmes voisins en ont profité pour alerter la police qui a mis la main sur les deux suspects. C'était jeudi de la semaine passée. Plus de 70 tombes sont déjà détruites selon certains des fossoyeurs contactés. Les tôles et les tubes qui le supportent sont volés et il ne reste que le cercueil en plein air selon les mêmes sources. Merci Spes. La pisciculture est en difficulté en province de Muyinga où une vingtaine d'étangs piscicoles sont déjà dysfonctionnels. Pour le représentant des démobilisés qui encadrent la pisciculture dans cette province, cet élevage a des problèmes liés au manque de marché des aliments dits concentrés et la criminalité. Tudonin Zeimana pour plus de détails. Si 89 étangs piscicoles aménagés dans cette commune de la province Muyinga, une vingtaine ne sont plus fonctionnels. D'après Willy Maboko, représentant de l'association des anciens combattants et démobilisé ADECO, engagé dans l'encadrement des pisciculteurs, cet élevage est en difficulté. Pas de marché d'approvisionnement des aliments dits concentrés pour nourrir ces poissons. Seule la bouse est actuellement jetée dans l'eau et sert à produire du plancton. Les malfaiteurs empirent la situation. Des voleurs découragent les éleveurs et en commune Guitérani, des étangs ont été fermés suite à un poison largué dans l'eau. Les propriétaires des étangs piscicoles demandent au gouvernement de relancer cette activité. C'est le même gouvernement qui avait appuyé les pisciculteurs pour peupler les étangs en 2012. Vous saurez que cette activité a été en partie touchée par la crise qui a affecté le pays. Des étangs ont été délaissés par les pisciculteurs partis à l'extérieur du pays, d'après le représentant de la DECO pour qui cet élevage est à relever pour contribuer à lutter contre la malnutrition. À la source, reportage. Près de 400 élèves de la commune Ebugabila en province de Kirundo ont déjà abandonné l'école à cause de la famine. Au moment où cela s'observe aux écoles et sans cantine scolaire, les élèves provenant de celles-ci se rendent aux écoles dotées de ce programme de cantine pendant le repas. Parfois même, les parents accompagnent leurs enfants pour demander de quoi mettre sous la dent. Reportage signé Alain Désiré Boukéenez. Il s'agit des enfants de la commune Bugabira, en province Kirundo, qui s'absentent suite à la famine qui fait parler d'elle dans cette province. Certains ont déjà abandonné l'école. Au moment où ils n'ont rien à manger, ils disent ne pas avoir de la force pour se présenter en classe. Je suis rentré hier et je n'ai rien trouvé à la maison pour manger. Il n'y avait même pas de l'eau à boire. Je n'ai pas eu de force de me présenter à l'école. Je reste assis ici Cet enfant avait l'ambition de se présenter, mais à la dernière minute, il a failli tomber par terre, ce qui pousse à son absence. Il demande aux bienfaiteurs de leur venir en aide. Je n'ai rien mangé cette nuit. Je me suis réveillé afin d'aller à l'école, mais j'ai failli tomber par terre. Après avoir pris ma douche, ce qui m'a poussé de m'absenter, je demande à tout homme charitable de me venir en aide. Ces enfants qui s'absentent ou abandonnent l'école fréquentent des écoles où il n'y a pas de programme de cantine scolaire. Nous sommes à l'école fondamentale Ekofo Kaburemo qui s'est dotée du programme de cantine scolaire. Le responsable âgé de cette école fait savoir que l'absence de ce programme engendre l'abandon scolaire puisque les familles n'ont pas de quoi nourrir leurs enfants. Aux environs se trouve l'Ekofo Kiri 1 où le programme de cantine scolaire est implanté. À l'heure de prendre le repas, les enfants en provenance des autres écoles se présentent énormément, parfois accompagnés même des adultes ou leurs parents. Passons deux jours sans rien manger, ce qui nous pousse à venir auprès de cette cantine afin de demander la nourriture pour mon enfant. Mais si la quantité suffit, je mange également à mon tour. Nous sommes venus demander de quoi manger. Si on me donne, je mange. Mais si on ne me donne rien, je pars. Si on ne donne pas, nous menons une vie malheureuse. Nous allons mourir. Le responsable du comité des parents, gestionnaire de cette cantine, déplore la présentation massive des élèves étrangers à cette école. Pour lui, les vivres sont destinés aux écoles qui ont été désignées et en quantité limitée. 369 élèves ont déjà abandonné l'école dans la seule commune de Bougabira, dans un délai ne dépassant pas un mois. Tous fréquentaient les écoles où il n'y a pas de cantine scolaire. Le directeur communal de l'enseignement dit avoir déjà demandé à ce que le nombre des écoles dotées de ce programme soit revu à la hausse. Nous enregistrons environ 6,68% comme taux d'abandon dans les écoles qui ne sont pas sous ce programme de cantine scolaire. On continue à faire le plaidoyer pour ces écoles, avoir la vitesse à laquelle le taux d'abandon s'accentue dans notre commune scolaire, surtout dans ces écoles qui ne sont pas sous ce programme suite à cette disette, afin que les bailleurs ou les bienfaiteurs puissent faire quelque chose afin de réduire ce taux d'abandon qui s'accentue du jour au jour. Le programme de cantine scolaire est implanté dans 108 écoles de la province Kirundo. Le directeur provincial de l'enseignement dit avoir plaidé à ce que l'effectif de ces écoles soit rehaussé à 150. Ce programme a commencé en l'an 2000 au moment où la famine commençait à se manifester dans cette province. Merci Alain. Et c'est par ici que nous mettons un point final à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Nous disons également merci à Aimé Toussaint Mitebouzi pour la parfaite collaboration technique. Excellente journée à tous. Au revoir.